Ok, je tenais à rendre hommage sur cette chanson que j'ai toujours rêvé vouloir réaliser. Ah ouais, c'est pour Mesrine, l'idole des jeunes français. Lui qui avait pas peur d'avancer, de foncer. Toujours un œil et une oreille, même en train de pioncer. Ce type-là, tu pouvais pas le coincer. Mesrine, c'est pour toi, toi qui es là-haut. Tu leur en as fait baver pendant quelques années. Tu savais qu'un jour, ça allait être ta destinée. La grenade prête à être découpillée, le funk prêt à être dégainé. Toutes ces banques que t'as enchaînées, t'avais des couilles, personne pouvait te piétiner. Ok, Mesrine, le roi de la carabine. Ok, je te respecte, toi qui es là-haut. Je te laisse défiler ton morceau. Ok. Et sa meuf pour emprisonner l'homme, pour le détruire totalement, pour en faire un esclave de la pénitentiaire. Serviette, un torchon, avec le l'homme s'abaisse au maximum devant ses yeux. Au moins, je suis dans les armes à la main. Même si peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi, peut-être. Que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi, puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. En fin de compte, Pierre Fitt a trouvé le moyen. Le seul moyen, le seul endroit dont on fait 20 fois, c'est un cercueil. Quand avec criminalité, bah, ils avaient fait un choix. Et face à la société, dès l'instant où je suis mort, je ne suis plus coupable de rien, puisque j'ai payé. Certaines personnes pourraient dire qu'il y a d'autres manières de vivre. Mais je n'ai plus tellement le choix non plus. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout. Et je considère que c'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il faut dans la vie. J'aime pas les gens justement qui reculent. Et à la finale, je vais rester un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible. Il faut attendre à faire de moi un héros, sans se rendre compte qu'il n'y a pas d'héros dans la criminalité. il y a des jeunes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Parce que les lois sont faites pour les riches et les forts. On en fait quelque chose. J'ai choisi d'être élevé par notre vie, en m'attaquant presque toujours, je pense, aux nantis, plus riches. J'étais plus riche qu'eux, parce que j'avais l'amour en plus. L'amour et puis je pense le courage. Le courage de mes opinions et puis de ce que j'avais décidé d'être. Et à la finale, je restais un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible. C'est que certains font faire de moi un héros, quand je me rends compte qu'il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Parce que les lois sont faites pour les riches et les forts. On en fait quelque chose.